إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسنتحدث عن علم أهل السنة والجماعة في التوحيد أو في العقيدة. علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة. Donc nous allons voir ensemble la science du dogme, la science de la croyance chez les gens de la sunna et du consensus. فَإِنَّ تَوْحِيدَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِفْرَادَهُ بِالْعِبَادَةِ هُوَ غَايَةُ الْخَلْقِ الْعَالَمِينَ وَهُوَ أَصْلُ الدَّعْوَةِ الْمُرْسَلِينَ وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُخَاطَبُ بِهِ النَّاسُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَهُوَ سَبَبُ الْعِصْمَةِ وَالْأَمْنِ فِي الدُّنْيَا وَالنَّجَاةِ وَالْفَوْزِ فِي الْآخِرَةِ وهو الشطر للصحة وقبول سائر الطاعة. أما إنه غاية الخلق العالمين فلقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما إنه دعوة المرسلين أجمعين فلقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إنا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقاله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد حق الله على العبيد. وأما أنه أول ما يخاطب به الناس من أمور الدين فلقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لما قال لمعاذ حين أسره إلى اليمن يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم وليلتهم الحديث. وأما أنه سبب العصمة والأمن في الدنيا فلأن الإقرار بالتوحيد يعصم الدم والمال ويثبت عقد الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. والتوحيد يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة، فقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما أنه سبب النجاة والفوز في الآخرة فلقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه فقال تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقرب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لا أتيتك بقربها مغفرة. وأما إنه الشرط للصحة وقبول سائر العبادات فلقوله تعالى في حق المؤمنين العاملين ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ولقوله جل وعلا عن الأعمال وعن أعمال الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرك محبط لجميع الطاعات. فقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فكما لا تقبل الصلاة بغير وضوء، لا تقبل عبادة بغير التوحيد. Donc certes, le tawhid, donc unifier Allah subhanahu wa ta'ala, l'unifier dans l'adoration, c'est le but pour lequel les gens ont été créés. C'est le but pour lequel donc, les mondes ont été créés. Et c'est l'origine de la prêche des messagers. Et c'est la première chose dont les gens vont être, ils ont été donc appelés, car c'est bien sûr donc les bases de la religion. Parmi les bases de la religion, c'est la première chose à partir desquelles les gens donc sont appelés. Et c'est aussi la cause pour que les gens donc soient saints et soient en protection dans la vie d'ici-bas, et aussi seront sauvés dans l'au-delà. Ils vont être sauvés, et aussi ils auront la réussite dans l'au-delà. Et c'est une condition afin que toutes les adorations soient bonnes et acceptées, le tawhid. Et la preuve qui va résider pour dire que c'est le but le plus important pour lequel donc les mondes ont été créés, Allah dit: je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et la preuve aussi pour dire que c'est la da'wah et la prêche de tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit: nous avons envoyé donc à chaque fois avant toi donc un messager, et on lui a toujours insufflé de dire, on lui a toujours dit de dire donc la ilaha illa ana fa'budun, il n'y a de divinité que moi, adorez-moi donc. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: nous avons envoyé à chaque communauté un messager afin qu'il dise: adorez Allah et détournez-vous du tagut. Et aussi la première chose dont les gens doivent être appelés, la première chose qu'il faut faire pour faire da'wah, c'est de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, parler du tawhid. Allah dit: ô gens du livre, venez à une parole équivalente entre vous et nous, donc une parole donc commune entre vous et nous, afin de dire que nous allons adorer qu'Allah et que nous n'allons pas l'associer en quoi que ce soit. Et nous n'allons pas nous prendre les uns envers les autres comme donc divinité en dehors d'Allah. Comme divinité en dehors d'Allah. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, il dit: ô Mu'adh, certes, tu vas aller vers un peuple des gens du livre. La première chose que tu dois faire, c'est-à-dire en les appelant, lorsque tu vas prêcher, c'est d'adorer Allah seul. Et s'ils ont compris cela, s'ils savent cela, préviens-leur qu'Allah a prescrit cinq prières, donc de nuit et de jour, donc dans leur nuit et dans leur jour. Wal hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ce qui montre aussi que les gens vont être saints, ils vont être protégés et ils auront la sécurité dans la vie d'ici-bas, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit: certes, j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et celui qui dit la ilaha illallah, donc sera protégé. Donc c'est bien. Donc c'est bien, son sang sera protégé, sauf de bon droit. Et ses comptes, c'est-à-dire ce qu'il fait comme mauvaise action, donc son hisab, hein, sera auprès d'Allah. Et après c'est Allah qui va le juger de ce qu'il a fait, que ce soit bien ou que ce soit bien, ou que ce soit pas bien. Donc là, ici, on voit que l'unicité donc donne comme fruit la sécurité complète dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui ont cru et n'ont pas revêtu leur foi de quelque iniquité, ceux-là auront la sécurité et ils seront bien guidés. Wa dhulm hunaka bima'na ash-shirk. Dhulm hunaka fi hadhihi al-aya bima'na ash-shirk. Et c'est dhulm, donc l'injustice, l'iniquité, qui veut dire en réalité ash-shirk. Car les compagnons se posent la question au prophète en disant que tous ont commis des injustices envers nous-mêmes. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a bien dit que c'était le shirk, c'était le fait d'associer en Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi le fait de dire que c'est la cause de la réussite, hein, et donc du secours et de la réussite, le fait d'être sauvé et de réussir dans l'au-delà, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, celui qui associe Allah, Allah lui interdit le paradis, et sa demeure sera l'enfer, et les injustes n'auront pas de sauveur. Et lorsqu'on questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur deux points, al-mawjibatan, il dit, celui qui meurt et qui n'associe rien en Allah entrera au paradis. Et celui qui meurt et qui aura associé à Allah azzawajal entrera en enfer. Et il dit aussi donc, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith Qudsi, où Allah dit donc, c'est la parole d'Allah, ô fils d'Adam, même si tu me venais avec l'équivalent de la terre comme péché, et puis tu viens, donc tu me rencontres alors que tu ne m'as pas associé en quoi que ce soit, je viendrai vers toi avec autant, donc une équivalence en pardon. Une équivalence en pardon. Car la personne n'a pas associé Allah Azzawajal, donc Allah Azzawajal va bien sûr par sa miséricorde lui effacer ses péchés. Et ce qui montre que c'est aussi donc la condition pour que l'acte soit valable et accepté, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait de bonnes œuvres parmi les hommes ou bien les femmes, alors qu'il est croyant, ceux-là entreront au paradis et ils ne subiront pas d'injustice, même la moindre injustice. Et aussi, lorsqu'Allah Azzawajal parle des actes des mécréants, il dit : et nous sommes venus avec ce qu'ils ont fait comme acte et nous les avons rendus donc comme terre. Comme en vérité, donc poussière ou bien en vérité, même flou, là, ceux qui viendraient donc être amenés à disparaître. Et le shirk, l'associationnisme, efface donc toutes les adorations. Celui qui fait du shirk, alors qu'à côté il peut adorer comme il veut, même s'il fait toutes les sunnas, même s'il fait, il fait, mais le fait qu'il leur associe en arasal dedans, ses autres actes ils sont effacés. Il a travaillé pour rien du tout. Car, mohbetun ni jamir al-amal, tous les actes sont effacés. Allah Azzawajal dit, certes, nous avons révélé, et à ceux qui étaient avant toi, que si tu commettais des péchés, certes, ton acte serait vain, serait effacé, hein, serait caduc, et tu ferais partie des perdants. Enfin, Allah Azzawajal munaka yani khataba nabiyahu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa kayfa bi ghayrihi. جميع الناس الذين يشركون بالله فأعمالهم يعني محبطة. Donc pour tout le monde, car ici Allah subhanahu wa ta'ala parle à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire des autres? Si le prophète faisait du shirk, tout ce qu'il aurait fait comme œuvre, ça ne servira à rien. Allah il le dit. Alors que dire de autre que lui sallallahu alayhi wa sallam? De la même façon que la prière n'est pas acceptée sans wudu, hein, sans purification, l'acte n'est pas accepté sans tawhid. فالتوحيد أول ما يتعلمه المسلم فيقول تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وأوجب ما يدعو الناس إليه قال تعالى على لسان أنبيائه يا قومي اعبدوا الله ما لكم إله غيره فهو عمدة الأصول التي ينطلق منها الداعية في دعوته إلى الله وخلافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ولرسول الله عامة فالتوحيد أصل كل الصلاح في هذه الدنيا كما أن الشرك أصل كل فساد يقول ابن تيمية رحمه الله فأصل الصلاح التوحيد والإيمان وأصل الفساد الشرك والكفر. Donc le tawhid, l'unicité, c'est la première chose que le musulman doit apprendre. أول ما يتعلمه المسلم. Allah Azzawajal dit, sache qu'il n'y a de divinité que moi. Et la première chose obligatoire où les gens doivent être donc prêchés, c'est justement ce que Allah Azzawajal a dit à ses envoyés. Ô peuple, c'est comme ça que les envoyés ont parlé. Ô peuple, adore Allah vous n'avez pas de divinité en dehors d'Allah. Donc c'est le pilier de toutes les bases à partir duquel les gens vont démarrer leur prêche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a fait aussi, donc, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, spécialement. Et comme a fait aussi en général les autres messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'unicité, c'est donc l'origine de toute chose qui s'arrange, de toute chose qui va en vérité être faite de la meilleure façon dans la vie d'ici-bas. Et le polythéisme, c'est l'origine de toute turpitude et tentation. Ibn Taymiyyah rahmallah dit, l'origine de l'arrangement, c'est l'unicité et la foi. Et l'origine de la turpitude ou de la tentation, c'est le shirk. Donc l'associationnisme et la mécréance. Wali ajli dhalika kullihi kana as-salaf as-salih radhiyallahu alayhim ya'tanuna bit-tawhid 'ilman wa ta'lima kama ya'tanuna bihi 'amalan wa tatbiqan wa da'watan. Wa kana 'umdatuhum fi at-ta'lim wa talqini ayat al-kitab al-karim wa ahadith an-nabi al-amin 'alayhi afdalu salat wa atam at-taslim. Faman falam taqum نعم فلم تقم لديهم حاجة إلى التدوين لتعويله على الوحيين فلما نبتت البدع وظهرت الفرق واضطر السلف إلى كتابة الردود على أهل الأهوى يجمع الأثماء بجمع الآثار والأحاديث المروية في الأبواب التي وقعت فيها المخالفة ثم كتبت كتب أو كتبت كتب تجمع الآثار المرتبطة على مسألة الاعتقاد نصرة الحق وبيان للصحيح المعتقد. Et à partir de cela, on a vu que nos pieux prédécesseurs, radhiyallahu alayhim, ont prêté fortement attention à l'unicité. Dans le domaine de la science et dans le domaine de l'apprentissage, le fait d'enseigner, dans le domaine de l'enseignement. De la même façon qu'ils ont aussi, bien sûr, donc, prêté attention à cela dans l'acte, dans le suivi et dans la prêche. Et c'était donc bien sûr leur base dans le fait donc ils ont pris bien sûr comme cela comme base le fait d'apprendre et de prendre quoi donc cette science de où à partir des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de cela bien sûr ils ont compilé et écrit des livres à partir de ces bases là le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de ces deux révélations, le Coran et la Sunna. Et spécialement, lorsque les gens ont commencé à s'égarer, à innover, à se diviser à cause de cela, les salafs, les plus prédécesseurs, ils se sont sentis donc obligatoires. Ils ont vu l'obligation d'écrire des réponses, de montrer en fin de compte les erreurs qu'on fait justement les gens, et spécialement dans ce domaine. Donc les gens des passions, car ils ont suivi leur hawa, leur passion, et ils ont délaissé en réalité le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien sûr, ils ont rassemblé les versets et les hadiths qui vont prouver que ces gens-là ont tort, qu'ils ont totalement tort, avec les versets et les hadiths. Et aussi, en faisant cela, ils ont fait vivre, ils ont fait vaincre la vérité et ils ont montré aux gens donc le vrai dogme. Ils ont montré à Kulhel ici donc le vrai dogme. Donc voici donc un aperçu donc de comment bien sûr les gens Kulhel font pour les gens de la Sunna du consensus sont vis-à-vis de la science du Tawhid. Donc les gens de la Sunna, Ahl Sunna wal Jama'a, ta'rifuhum fil lugha. As-Sunna lughatan as-sira wa at-tariqa. Hasanatan kanat aw qabiha. Wa hiya ma'khudhatu min as-sanan wa hiya at-tariq. Donc Sunna dans la langue arabe c'est la voie ou le chemin. As-sira ou at-tariqa. Donc la voie, le chemin. Que la voie soit bonne ou mauvaise lorsqu'on parle par rapport à la langue arabe. Tu peux très bien dire Siratu Seyi'a, lui là, donc en vérité, donc un mauvais parcours. Dans sa vie, il n'a fait que des mauvaises choses. Donc, siratuhu, siyi'a. Il a une mauvaise sira. On a tous une sira. On a tous une voie. On a tous une façon de faire notre vie, dans notre vie. Donc, qu'elle soit bonne ou elle est mauvaise. On a tous, en vérité, un chemin dans notre vie. Ça, c'est dans la langue arabe. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Et c'est pris du mot, donc, es-sanan, qui veut dire en vérité, tariq. Qui veut dire ici, donc, le tariq. Même chose lorsqu'on parle de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire sa sunna, pour dire aussi donc sa sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce nom donc pour lui montrer que ce nom-là donc il a plusieurs sens, c'est-à-dire dans la langue arabe. Dans le Coran, on trouve donc plusieurs sens. Yuridullahu yubayyina lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum. Sunan al-ladina min qablikum. Ay yahdikum sunan al-ladina min qablikum, yani tara'iqahum al-hamida. Donc Allah veut vous montrer. Hein? Donc Allah, donc il veut ici donc vous montrer clairement. Et il vous guider vers les voies de ceux qui étaient avant vous. Sunan al-ladina min qablikum. Donc il veut vous guider vers les voies, les bonnes voies, hein, sunan al-hamida. Ici, ce sont les bonnes voies qui sont louables et ceux qui étaient donc avant vous. Donc ici aussi pour dire ça donc par rapport à Tariqa, Mujahid dit donc fi qawli ta'ala qaddamat wa akharat dans surat al-infitar in akharat min sunnatin yu'malu biha min ba'dihi. Donc c'est-à-dire elle s'est retardée donc nafs elle a quoi donc retardé justement quoi la sunna ou la façon de faire par rapport à ceux qui vont venir après eux. Par rapport à ceux qui vont venir après eux. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des ahadiths qui sont apportés par l'imam muslim, man sanna fil islam sunnatan hasana, wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a. Donc celui qui trace dans l'islam une bonne voie, ou celui qui trace dans l'islam une mauvaise voie. Hein, ici. Donc c'est pour montrer que ici, donc, ça veut dire tariqa wa sira, la voie, le chemin. Et ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire aussi à Kulhel, al-bayan, l'annonce, al-bayan, donc le fait d'annoncer quelque chose à quelqu'un. Allah dit, sunnat Allahi fi ladina khalaw min qabl. Yani nasaba sunnat ala iradat al-fi'l. Ay, sannallahu bidhalika bimana bayanahu. Bimana bayanahu. Allah il mentionne, il parle. Hein? Donc c'est. Bayan, l'annonce d'Allah pour ceux qui ont été délaissés cela avant ça. Khalaou min qab, ceux qui étaient avant. Pour ceux qui étaient avant. Donc ça peut vouloir dire aussi le bayan, filura. On est toujours par rapport à son langage, donc son lexique, donc c'est vis-à-vis de la langue arabe. Et ça peut vouloir dire aussi al-ada al-thabita al-mustaqarra. Al-ada al-thabita al-mustaqarra. Donc l'habitude qui est donc affirmée. Elle est quoi? Il y a ça, donc elle est ici affirmée. Elle est donc thabita. Elle est ferme. Une habitude, un usage, une coutume. Allah dit Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu sunnatina tahwila. Donc l'habitude, l'usage de ceux que nous avons envoyés avant toi parmi les envoyés, parmi les messagers, et tu ne nous trouveras pas, et tu ne nous trouveras pas dans la coutume. Dans notre coutume, dans nos habitudes de changement. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça, il a décidé d'envoyer les prophètes, les messagers, et ils auront donc le même rôle. Et pour tout le monde. Il n'y a personne qui va échapper en vérité à ce que Allah a décidé. Donc c'est l'ada thabita. L'ada thabita allati hakam Allahu biha wa qadaha. C'est ça que ça veut dire. Dans le tafsir Ibn Kathir. Comme le dit tafsir Ibn Kathir dans son tafsir. L'habitude qui est ferme, à partir de laquelle Allah a jugé avec. Donc il décrète et il juge avec. Et aussi, donc fiddin, donc bien sûr, c'est donc ma kana alayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-ilmi wal-amali wal-hadi wa kullu ma ja'a bihi mutlaqan. Donc c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc faisait, avait donc comme science, ce qu'il faisait, ce qu'il apportait comme science, les actes qu'il faisait et sa guidée, et tout ce qu'il apportait de façon générale, de façon absolue, tout ce qu'il apportait sallallahu alayhi wa sallam, donc de façon générale, de façon absolue. Et aussi, donc Cheikh Islam Timir, il dit, Ahmallah, As-sunnatu hiya ash-shari'a, wa hiya ma sharaha Allahu wa rasuluhu min ad-din. Donc la sunna, c'est la sharia, c'est la législation. C'est ce que Allah Azza wa Jal, ainsi que son envoyé, ont légiféré dans la religion. Et ce as-sunna, comme le dit aussi toujours Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Inna sunnata allati yajibu ittiba'uha wa yuhmadu ahluha wa yuzammu min man khalafaha hiya sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi umur al-i'tiqad wa umur al-ibadat wa sa'ir umur al-diyanat wa dhalika innama yu'rafu bi ma'rifat ahadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-thabita anhu fi aqwalihi wa af'alihi wa ma tarakahu min qawlin wa amal thumma ma kana alayhi sabiquna wa tabi'una lahum bi ihsan. Donc la sunna, c'est celle qu'il faut suivre obligatoirement. Et on va louer, donc les gens qui vont suivre cette sunna seront loués. Et ceux qui auront délaissé, ceux qui seront contraires à la sunna, donc qui seront en contradiction avec la sunna, seront eux aussi donc réprimandés. Et c'est bien donc cette sunna, c'est laquelle? C'est bien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les croyances, donc dans le dogme, dans l'adoration, et dans tout ce qui a trait à la religion. Et on connaîtra cette sunna à partir des hadiths thabita, à partir des récits prophétiques, donc authentiques, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ses actes, parmi ses paroles, ce qu'il a délaissé comme paroles, comme actes, et ce qu'ont fait aussi donc les prédécesseurs, as-sabiqoun, et ce qu'ils ont suivi en la perfection. Et la sunna, c'est aussi, comme dit toujours Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahmallah, il y a ما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والدين والهدي الظاهر والباطن تلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم ثم أئمة الهدى العلماء العدول المقتدون بهم ومن سلك سبيلهم إلى يوم القيامة. Donc la sunna, c'est aussi ce que ont pris les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, de la part du prophète صلى الله عليه وسلم, parmi la législation et la religion, la guidée apparente et cachée. Ce qu'ont pris aussi d'eux les prédécesseurs, puis ceux qui les ont laissés, c'est-à-dire les suiveurs, et ceux qu'ils ont suivis parmi les imams de la guidée, les savants, les gens justes, et ceux qui suivent ces savants, ceux qu'ils ont suivis, donc ces gens-là. Et ceux qui suivent, bien sûr, et après cela, ceux qui suivent donc leur chemin jusqu'au jour dernier. Ici, lorsqu'il dit caché, batin, c'est-à-dire vis-à-vis de la croyance cachée, le sitr, l'aman, donc ce qui est en vérité, le mahabba, le khouf, le raja, les actes du cœur. Ici, lorsqu'on dit batin, en vérité, c'est les actes du cœur. Tu aimes Allah à l'intérieur de toi-même. Tu crains Allah, tu aimes Allah. Hein? Donc toutes ces choses-là, tout ce qui vient en vérité de l'intérieur. ومن ذلك قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في وصف المدينة يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهي دار الهجرة والسنة هكذا سماها الإمام مالك رحمه الله دار الهجرة والسنة. Donc l'imam Malik rahmallah, pour donc caractériser donc et donner aussi donc un attribut à la ville de Médine, il a dit que c'était donc la maison de la hijra, donc de l'immigration ainsi que de la sunna. Wa qala Ibn Rajab wa an Sufyan al-Thawri qala istawsu bi ahli sunnati khayra fa innahum ghuraba wa murad haula al-a'immah bi sunnah tariqatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam allati kana 'alayha huwa wa ashabuhu السالمة من الشبهات والشهوات. Donc Ibn Rajab rahmallah dit de la part de Sufyan al-Thawri rahmallah Donc, en vérité, restez, recommandez-vous les gens de la Sunna dans le bien, car en vérité, cela est bien, car ils sont peu ghuraba. Yani qalilun hum, manhum. Qalilun manhum. Alladina fi'lan yurid, yabhath, wa yad'ab, hatta ya'rifa ماذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بسهل فلذلك كثير من الناس يعني يهملون في العبادات يهملون في الاعتقادات يهملون في الأقوال c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de gens qui ne se fatiguent pas à apprendre ils délaissent facilement ils ne cherchent pas en vérité à être précis dans les paroles dans les actes dans le tawhid l'akhiri ils adorent mais sans savoir comment en vérité réellement adorer sans se fatiguer pour la recherche. Donc ils sont peu. Et ceux-là, bien sûr, ce sont donc les imams de la Sunna, c'est-à-dire de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle à partir de laquelle il était aussi, ainsi que ses compagnons. Celle qui est saine donc des choubouhettes, des ambiguïtés et des passions. Fa yashhadu li hada ma'na hadith Anas ibn Malik radiallahu anhu wa fihi fa man raghiba an sunnati fa laysa minni. Donc on a ici une preuve. C'est la parole de Anas ibn Malik rahmallah, par rapport à la parole du prophète sallam où le prophète sallam a dit donc celui qui ne désire pas ma sunna ne fait pas partie des miens. Tout simplement. وكذلك ان سابقا سلف هذه الامه كانوا يسمون كتب التوحيد يعني كتب السنه كتب السنه. Avant cela, déjà, la sunna était, on l'appelait aussi rien que pour rapport au tawhid. Par rapport en vérité au tawhid, on l'appelait aussi la sunna, tawhid de façon générale. Donc c'était usuluddin. Lorsqu'il disait sunna, il voulait mentionner par rapport à cela, donc usuluddin, les fondements de la religion. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'imams qui ont écrit des livres par rapport à cela. L'imam Ahmed et d'autres, qui étaient sunna, Ibn Abu Asim, et d'autres encore. Et on verra ça. Fa ma ma'na sunna 'indahum yani ma salima min ash-shubuhat fi al-i'tiqadat khassatan fi ma sala al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa kadhalika fi ma sala al-qadr wa fada'il as-sahaba. Donc chez eux la sunna voulait dire donc celui qui sera saint. Donc en vérité la science qui va être saine. Donc il sera protégé, qu'il sera exempt en vérité d'ambiguïté dans la croyance. Et spécialement dans les sujets de la foi en Allah, al-Iman billah, ainsi que ses anges, ainsi que ses livres, ainsi que ses envoyés, ainsi que le jour dernier. Et c'est la même chose pour le destin. Fimasail al-Qadr. Car c'est à l'époque, c'était justement les premières déviances, c'était dans ce domaine-là. Awwal man yani خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذه الأشياء. بدأوا يقولون بأن الله عز وجل لا يعرف الأمور إلا إذا حصلت. يعني قبل حصولها ما يعرفه لا يعرف القدر. فهكذا ذكر يعني ابن عمر عن أبيه حديث جبريل من هذه المسألة. وناس كانوا طلاب العلم وأنما هؤلاء في العراق ماذا فعلوا هؤلاء؟ إنما يعني رفضوا بأن الله عز وجل يعني يعلم ما يحصل قبل حصوله يعرف جميع الأشياء لكن متى إلا إذا حصلت أما قبل ذلك لا هذا خطأ تمام وهذا كفر ليس خطأ صغير يعني خطأ كبير يعني donc parmi le qadar justement c'est un exemple que je donne donc c'est que des gens ont dit qu'Allah عز وجل ne connaît les choses qu'une fois qu'elles arrivent. Il ne le connaît pas à l'avance. Alors qu'on sait qu'Allah a tout écrit avant. Il a tout écrit. Hein, tout est écrit 50 000 ans avant que les cieux et la terre soient écrits, soient créés. Allah sait tout. Il sait même ce qui va advenir. Il sait tout, Allah. Et eux, ils ont dit non. L'âme ou nouf. Voilà qadab. Makadakalou. La chose, elle est nouvelle. Ou nouf, le ma'na jadida. Allah ya'lamu. Jam'al asha. Illa ida ida hasad. Makadakalou. C'est comme ça qu'ils ont dit. Allah ne connaît les choses qu'une fois que. La chose arrive, la chose donc arrive. Et ça, bien sûr, donc lui-même, Abdallah ibn Omar, yani radda alayhim, le fils d'Omar ibn Khattab, il a parlé, et après il a sorti le hadith de Jibril, Tawil, où on mentionne justement l'Iman, Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, واليوم الآخر يعني والقدر إلى آخره دونك سو بارابور ا سولا اليوم دونك سولا. وكذلك فضائل الصحابة كذلك فضائل الصحابة في كتب التوحيد ذكروا فضائل الصحابة dans les livres de التوحيد ils ont justement mentionné les valeurs hein, et les bienfaits donc les hautes valeurs en vérité des compagnons du prophète رضي الله عليهم ردا على من على الشيعة رافضة وعلى الخوارج afin de répondre contre Rawafid الذين كفروا الصحابة إلى القليل الذين كفروا خاصة أبو بكر وعمر وعائشة spécialement eux الشيعة يعني الذين يسكنون في العراق في الهيران في العراق ceux qui vivent en Iran ici فهم يعني يسبون عائشة يسبون عمر يسبون أبو بكر أبو بكر يسبون أبو بكر فإذا اشتروا كبش في العيد ويذبحون الكبش يسمونهم عمر وأبو بكر فيقول ذبحت عمر ذبحت أبو بكر و و و أشياء هذا خفيف أما الكلام الشديد يعني حدث ولا حرج ça encore c'est rien le fait qu'ils disent que j'adore Omar et Abu Bakr déjà ça c'est parmi les paroles les moins graves ils ont beaucoup plus que ça ils ont pire que ça fal aima difa'an an ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dafa'u tamam anhum yani fi kutub al-muhimma fi kutub al-tawhid لأن الذي يريد أن يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد أصحاب رسول الله إنما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من جاء من يعني نشر الدين بعد محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة فعلى الذي يتكلم في الصحابة يريد أن يتكلم في النبي لكن لا يستطيع أن يتكلم في النبي مباشرة فيتكلم في الصحابة فهمتم؟ حتى إذا أنتم تركتم الصحابة فإذا تركتم النبي نفس الشيء الصحابة هم الذين أتوا بالقرآن والسنة من الذي حفظ القرآن والسنة بإذن الله أليس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين كتبوا الصحابة فالقدح فيهم القدح يعني في الإسلام مباشرة نعم في القرآن وفي الإسلام يعني بمعنى القرآن والسنة هنا celui qui parle sur les compagnons en vérité il a parlé sur l'islam tout simplement il n'y a pas été plus loin que ça parce que eux c'est eux qui sont les successeurs de l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم Et comme ils ne peuvent pas directement toucher l'envoyé d'Allah, ça sera trop fort pour les gens, ils ne vont pas être acceptés. Alors ils touchent les compagnons. Et la preuve, c'est que des peuples acceptent. Des pays, l'Iran, au Koweït, aux Émirats, le Bahreïn, dans certains pays d'Afrique, au Yémen, dans certains endroits, dans le sud et dans l'ouest, dans l'est d'Arabie Saoudite. Maintenant, ça commence dans le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, Tunisie, les Chiites sont rentrés. On en a en France, on en a partout. Ils insultent et bien sûr, ils rendent les créants. La grande majorité des compagnons du prophète radhiyallahu anhu. فهكذا. فقال ابن رجب رحمه الله وكثير من العلماء المتأخرين يخص السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين والمخالف فيها على قطع عظيم. Donc il dit que beaucoup d'ulama qui sont venus donc après, mutakhirin, donc Ibn Rajab dit ça, rahmallah, ont voulu spécifier ici la sunna par tout ce qui touche la croyance, car c'est l'origine de la religion. Fasamul yani tawhid et sunna. Et celui qui sera en contradiction avec cela Et donc, en vérité, on a sombré dans un danger grave. Car en vérité, c'est éloigné du tawhid. Faqala Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, As-sunnatu ashra, faman kana fihi faqad istakmala sunna, wa man taraka minha shay'an faqad taraka sunna, ithbatu al-qadr. وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطع بالشهادة على مسلم بالشهادة على مسلم donc Soufiane ibn Uyayna il dit que la sunna elle est donc On va la retrouver dans 10 points. Et celui qui reconnaît ces 10 points aura donc complété la sunna. Et celui qui aura délaissé quelque chose de ces points-là aura délaissé la sunna. Le fait d'affirmer le qadar. يثبت القدر بأن القدر يعني موجود وبعض الناس يعني هم العكس في القدر كذلك يعني يغلون بأن الشخص يعني ولو فعل وفعل من المعاصي فهو مجبر على ذلك هذا الجبرية وهذا خطأ كذلك صح مكتوب صح الله يعرفه لكن أنت يعني لك الخيار أنت نعم أنت الذي تسببت لنفسك. Donc le fait d'affirmer le destin, il y a des gens aussi qui ont exagéré par rapport à cela parce qu'ils ont dit que c'est Allah qui a écrit, donc je le fais. Et je ne vais pas être compté par rapport à cela. Non, parce que tu as le choix. C'est toi qui cause ce choix-là. Tu as le choix. Non. Allah Azza wa Jalla, walau ma katab, ou ni shakh, c'est ma fa'al. Les madala yafa'al. الله يهدي من يشاء لكن الله عز وجل يعرف ما في قلبه هل هو يستحق لذلك أو لا لأن الله عز وجل يعرف خائنة أعين. Donc le fait de faire passer هناك تقديم أبو بكر وعمر كما فعل الشيعة يقدموا على علي على غيرهم فتقديم أبو بكر وعمر من اعتقادي المهمة من أهل السنة والجماعة والحوض لأن الحوض يعني البصر. Donc le fait de placer donc comme meilleur compagnon d'abord Abu Bakr puis après Omar, alors que les Rawafides ne le font pas, mais au contraire le Haoub, le bassin, comme quoi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va intercéder pour une catégorie de personnes, ou le mizan, la balance sur le qiyama, ou le sirat, le pont, les anna al khawarij ou le mu'tazila ini ashab al wa'id hum يكفرون بذلك يقولون إما مسلم إما مؤمن لا يحتاج إلى حساب إما النار إلى إما الجنة لا هناك موازنة لا هناك حساب ليس هناك يعني حساب بالنسبة للسيئات وحسنات إما كافر إما مسلم ما كاينش يعني مسلم عاصي هم لا يرون أن مسلم يعني يقولون ليس هناك مسلم إذا كان مسلم خلاص فهو يدخل في الجنة مباشرة لكن يخشى عليه إذا كان من أصحاب المعاصي يخشى عليه فهكذا نعم ولكن هؤلاء يعني سيلعبون ويأتون بتفاصيل من عندهم أصحاب الأهواء يعني يكفرون بأشياء واضحة جدا واضحة القرآن والسنة وهم يتركونها فهم تركوا الشفاعة لما يحتاج إلى الشفاعة إما النار إما الجنة فليس هناك شفاعة وليس هناك ميزان وليس هناك حساب كل هذه الأشياء يعني يرمونها والصراط والإيمان قول وعمل لأن بعض الناس يقولون بأن الإيمان اعتقاد فقط بالقلب فقط لكن ماذا يصدق الذي يصدق الإيمان العمل والقول الذي دائما يأتي بكلام سيء ودائما يأتي بقول بأفعال سيئة يقول أنا مؤمن أفضل منك هذا زعمه هو لكن أفعاله مخالفة ما يقوله هو والإيمان أصله القلب لكن جوارحه هي التي يعني تصدق أو تكذب ذلك. Donc le fait de dire aussi هذا رد على المرجية الذين يرجون فقط يعني لا يرون أن الله عز وجل سيعذب ما دمت أنت مؤمنا خلاص يكفي بمعنى أنت تصدقت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد ذلك لا يهم يفعل ما شئت هكذا يقولون وهذا خطأ. Donc le fait de dire que la foi est acte, donc c'est une parole et acte. Car des gens, donc on les appelle al-murji'a, et bien sûr il y a plusieurs degrés par rapport à eux, donc de façon générale ils disent que la foi est dans le cœur. Il te suffit de prononcer la ilaha illallah, ça suffit. Il suffit de savoir qu'Allah existe et que le prophète s'est envoyé, ça suffit. Il dit, « Fir'aun ya'rifu dhalika »« Yani amana billah fi akhir hayati wa kin lamma ja al-maut yani mutaha » فهؤلاء دخلوا إبليس وفرعون من المؤمنين هكذا. Donc tu rentres إبليس et فرعون parmi les croyants si tu suis leur raisonnement. Si tu suis leur raisonnement, tu rentres en vérité n'importe qui va accepter qu'Allah existe. Mais sans même parce qu'il dit que l'acte ne sert à rien. Ou bien l'acte en vérité n'a pas d'influence sur la foi. Wal Qur'an kalam Allah. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Wal Qur'an est sabi makhlouq. Wa inna hal awraq hadi makhlouqa. Les feuilles, elles sont créées. Et que la parole d'Allah, le kalam, alladhi takluhu anta, fa hadha al kalam alladhi nasma'u, fa hadha al kalam Allah laysa bi makhlouq. La parole d'Allah n'est pas créée. Hein? Kalam Allah. Wa sifatun min sifatillah, wa Allah azza wa jalla laysa bi makhlouq. Parce que c'est un attribut parmi les attributs d'Allah et Allah n'est pas créé. فبعض الناس حاضوا في ذلك وماذا فعلوا سجنوا من الإمام أحمد لذلك بس لما هذه المسألة يعني لعدة مسائل ولكن هذه المسألة الأولى وفي بعض المسائل بعدها donc de façon générale c'est pour cette parole qu'ils ont rentré l'imam Ahmed en prison par rapport à cela parce qu'ils ont dit que là le Coran مخلوق لأنهم يريدون لماذا يريدون في ذلك يريدون إنكار صفات الله سبحانه وتعالى أرادوا أن لا يؤمنوا بصفات الله سبحانه وتعالى قالوا رحيم بلا رحمة سمع بلا سمع يعني بصر بلا بصر هكذا يعني أشياء donc ironie après ça c'est Mu'tazila il croit donc au nom mais pas aux attributs il croit qu'au nom les Mu'tazila mais il ne croit pas aux attributs mais ce sont que des noms mais ils n'ont pas d'influence. Ils sont que des noms, après tout, ils sont là au Coran, ça s'arrête là. Mais pour eux, ça ne veut rien dire. وَعَذَبَ الْقَبْرِ نَفْسُ شِبَعْدُ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْعَذَبِ الْقَبْرِ عجيب. بأن القرآن والسنة بينت ذلك. أوضح البيان. كيف أمور مهمة يعني لا يكتب, لا يعني لا يكتب أو أشياء هذه الأشياء يعني غير موجودة. لابد أن تكون موجودة وبكثرة. متواترة. Comment des choses importantes elles ne pourront pas être mentionnées? Elles peuvent être mentionnées en vérité que de la façon la plus importante. Donc le châtiment de la tombe. Hein? Là c'est l'azab. C'est la même chose à Kulhel, là par rapport à là. Donc tout entre à l'intérieur. Wal-Bath, Yom al-Qiyama, le fait d'être ressuscité, de revenir vers Allah le jour dernier. Et aussi, donc, de ne pas en vérité aussi donc témoigner à Kulhel. Contre le musulman faussement. Comme Bakriya, il reste combien de temps ? 10 minutes, Rachel Bakriya, tout à l'heure. وقال الإمام الشافعي رحمه الله القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليه الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء لأن حتى هناك كثير من الناس يقولون بأن الله عز وجل ليس في السماء قالوا أن الله عز وجل في كل مكان حاشا لله عز وجل هل الله عز وجل يذهب إلى الحمام يعني موجود في الحمام أو في الخنزير أو في الخمر أو في الأماكن التي فيها فحيشة لا أبدا الله عز وجل يعني فوق السماء سماوات فقط فهم رفضوا ذلك بل كفروا الذين يقولون بأن الله عز وجل في السماء فلو كفروا الذين يقولون بأن الله عز وجل في السماء إذن كفروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أخبرنا بذلك donc aussi l'imam Shafi'i dit bien que de la part de la sunna à partir de laquelle je suis et j'ai vu donc des imams avec ça comme l'imam Sofian et l'imam Malik et d'autres encore pour affirmer l'attestation de la ilaha illallah et de Mohammed Rasulullah et qu'Allah est établi sur son trône et il se rapproche de ses serviteurs de la façon qu'il veut et il descend au premier ciel sama ad-dunya comme il veut كيف يريد فهم لازم يفكرون كيف اما الكيف هي مجهوله كما قال الامام مالك الكيف مجهول فنحن ما ندخل في الكيفيه لاننا ما راينا الله سبحانه وتعالى الله يفعل ما يريد وهو الذي يعرف كيف فعل نحن ما ندري أبدا ولا يحيطون به علما ما نحيط بالله سبحانه وتعالى علما donc Allah عز وجل il est bien donc sur son trône établi et il se rapproche de sa serviteur comme il veut et il descend premier ciel comme il le veut parce que beaucoup de gens renient cela منهم الأحباش منهم الأحباش الذين يعني عندهم الآن مساجد هناك وهناك وخاصة في الجنوب في فرنسا فهم يكفرون يوزعون يعني أوراق في رمضان تقويم رمضان أو أقام الصلاة في رمضان، وخلف ذلك يكتبون ذلك. Celui qui dit qu'Allah est dans-dessus, kafir. Le premier qui pourrait rendre mécréant, ce serait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui nous l'a annoncé. C'est le prophète qui nous a annoncé. Allah nous le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a annoncé. Parmi les hommes, donc ça serait le premier qui serait, d'après eux, ça serait le premier mécréant. Si on suivait leur raisonnement, ça serait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier. Du fait que c'est lui qui nous avait annoncé cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ils rejettent les paroles d'Imam Malik et l'akhir. Ils ne lisent pas. Wa alaykoum salam. وعلى هذا فالسنة تقابلها البدعة وعليه يحمل قول ابن مسعود القصد أو نعم القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة فالسنة ضدها البدعة donc la sunna son contraire c'est l'innovation et Abdallah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu a dit faire peu de sunna est meilleur que le fait de faire beaucoup d'efforts dans la bida, que de faire beaucoup d'art dans la bida. Le qalil min as-sunna afdal min al-kathir min al-bida. Min al-bida yani mardouda ala sahibiha. وكذلك ابو المليح قال يعني وكان كتب عمر ابن عبد العزيز راجيا السنه واماته البدع. كذلك نفس الشيء قال يعني donc lorsque Omar ibn Abdelaziz a écrit justement pour refaire de la sunna à Kulhel aussi et pour éteindre la bida, pour éteindre la bida. Wa qala l'imam al-Awza'i kana yuqal khamsun kana aliha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa tabi'una bi ihsan luzum al-jama'a wa ittiba'a sunna wa imarat al-masajid وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. الإمام الأوزعي رحمه الله dit cinq choses avec lesquelles on voit donc comment étaient les compagnons du prophète رضي الله عليهم ainsi que ceux qu'ils ont suivi à la perfection. Donc l'uzum al-jama'a, le fait de rester en groupe avec l'uzum al-jama'a, le fait d'être assidu avec le groupe, suivre la sunna, remplir les mosquées, lire le Coran et le jihad fi sabil الله. Et l'imam Malik dit, Rahmallah, Iyakum wa ashab al-ray, fa innahum a'da as-sunna. Attention à ce que alladina taraka al-Qur'an wa taraka as-sunna wa ma yati ila bi'aqlihi. Fa arada an yakun din min aqlihi. Fa anta lasta an-nabi wa lasta Allah azza wa jal hatta taf'alu dhalik. T'es pas le prophète, t'es pas Allah pour que tu puisses en vérité légiférer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. لست النبي فإياكم وهؤلاء فإنهم أعداء السنة هكذا قال هو الإمام مالك الذي يقول هكذا الإمام مالك الذي قال هكذا رحمة الله عليه رحمة واسعة ومن هذا الباب ما يأتي بعد قليل عن ابن سيرين وغيره أثنى الكلام عن مصطلح أهل السنة باعتبار ترتيبه وإضافة دونك هناك أقول لكم دي مصطلحات بارابور ترتيب. Donc, on... combien de temps il reste ? Comme ça. On a fini. 3 minutes à l'ADEM. Hein, donc, l'ADEM, c'est déjà passé. D'accord. Donc, on va reprendre, Inch'Allah, Ba'd Salat. Hein, pour ceux qui veulent rester. Ba'd Salat, on va faire un petit temps. On va juste terminer Ma'na Al-Jama'a, le groupe. Hein, avant de. Un petit peu, donc ça va peut-être durer peut-être 20 minutes, une demi-heure maximum, Inch'Allah. Après la Salat, juste un petit peu. Histoire d'expliquer Al-Jama'a. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc après salat, bismillah azza wa jalla, ba'da salat.